Souffle ton esprit, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, encore, esprit de Dieu vivant. Ton esprit sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Alléluia. Sauve ton esprit, esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Maison.